Aide, mise en confiance de soi-même. En attendant Godot, le futur est à venir. Des ateliers intéressants, le travail sur l'écoute, la confiance. C'est une grosse boule qui est en mouvement perpétuel. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. Pouvoir parler de tout, de tout ce qui se passe autour de nous. Raconter nos petits bobos et trouver le déclic pour nous intéresser à quelque chose que l'on connaît mais que nous n'arrivons pas à exprimer à cause de la confiance perdue. Pouvoir découvrir d'autres atouts en nous-mêmes. L'humanisme est une richesse qui devrait être universellement reconnue.